Chapitre 10e, la confession d'une pécheresse. Je suis né, vous ai-je dit, à Montmartre, continua Marthe, dans la rue du Ruisseau, un milieu populaire où l'on rencontre, certes, de braves gens, mais où il y a aussi des êtres pour qui la morale est chose inconnue. Mon père était forgeron, ma mère blanchisseuse. Mon père gagnait de bonnes journées, mais il était ivrogne et tout son salaire passait au cabaret. Ma mère ne valait guère mieux. Elle était fainéante et d'un caractère violent et irascible. On ne la gardait dans aucun atelier. Les querelles étaient fréquentes à la maison, quand l'argent manquait, et plus d'une fois, je dus aller me coucher en n'ayant eu pour dîner que des taloches au lieu de pain. Quand j'eus 12 ans, on me mit en apprentissage. Je n'étais pas payé chez la couturière qui m'apprenait mon métier, mais j'avais quelques petits pourboires chez les pratiques à qui je portais l'ouvrage. Ces pourboires, il me fallait les remettre exactement à ma mère, et c'était de nouvelles disputes entre elle et mon père, qui voulait sa part pour aller boire. Une fois qu'on me paya mon travail, ce fut la même chose. J'atteignis ainsi ma 16e année. Alors, mon père me déclara cyniquement que j'étais trop belle fille pour moisir dans les ateliers, et qu'il ne manquait pas dans Paris de vieux messieurs qui ne demanderaient qu'à me faire des rentes, dont bien entendu profiteraient mes parents. Ma mère l'approuva, et l'on me confia une camarade qui courait le soir les cafés et le boulevard et qui se chargea de me piloter. Bien que j'eusse été élevé dans un milieu corrompu, j'étais encore assez naïve. Mélanie, c'était le nom de celle qui me guidait, ne tarda pas à me mettre au courant du métier honteux que m'imposait ma famille. Pendant 6 mois, dit la pauvre fille en cachant son visage dans ses mains et en versant d'abondantes larmes, je le fis, cet affreux métier. Elle s'arrêta, suffoquée par les sanglots. Pourquoi me raconter tout cela, dit Berton, qui lui aussi sentait ses paupières mouillées. C'est un passé qu'il faut oublier. Hélas, est-ce que cela m'est possible? Mais ce n'est que le début, écoutez-moi encore. Tout l'argent que je pouvais avoir ainsi, il me fallait, en rentrant à la maison, le remettre à mon père. Il n'y avait pas à tricher. Mélanie était là, qui ne me quittait pas d'une minute et dont la surveillance était impossible à déjouer. Elle avait ses raisons. Quoiqu'ayant 25 ans à peine, elle était flétrie par la débauche et n'avait que peu de réussite dans ses tentatives. Mais mon père, généreusement, lui accordait une prime sur ce que je rapportais, et tandis que je remontais honteuse et désolée dans ma pauvre petite chambre, Mélanie, mon père et ma mère s'enivraient ensemble à mes dépens. Une fois, j'essayais de lui échapper. Elle me ramena de force au logis, et je reçus une correction qui m'ôta pour quelque temps la velléité de recommencer. Il devait m'arriver ce qui arrive à toutes les femmes qui mènent cette existence. Un soir que nous étions, Mélanie et moi, à la terrasse d'un café d'un boulevard, nous aperçûmes 2 messieurs que nous connaissions. Mélanie leur fit signe de venir. Mais à peine l'avait-elle fait que 2 hommes nous empoignaient brutalement par le bras et nous intimaient l'ordre de les suivre. « La police des mœurs !» murmura Berton. « La police des mœurs, vous l'avez dit. Il paraît que nous avions été signalés et qu'on nous guettait depuis la veille. » On nous emmena au poste où nous passâmes la nuit, et au matin, on nous fit monter dans le panier à salade, comme on dit, pour nous conduire à la préfecture. Pour Mélanie, son compte était bon. Elle était connue et notée aussi mal que possible. Après les formalités que vous connaissez, elle fut envoyée à Saint-Lazare. Moi, j'étais arrêté pour la première fois. Je n'avais pas encore 17 ans. On y mit plus de ménagement. Interrogé par le chef de bureau, je donnai les noms de mes pères et mères, leur domicile. On me consigna au dépôt en attendant que mes réponses fussent vérifiées. 2 heures après, mon père venait me réclamer. Avec une hypocrisie qui me révoltait, il versa des larmes, se lamenta sur le malheur qui le frappait et la honte que je lui causais, et m'accabla de reproches. Puis, sur la demande du chef de bureau, il s'engagea à me surveiller étroitement et à me ramener dans la bonne voie. On me remit en liberté et je pris avec lui le chemin de la maison. Le long de la route, il ne me dit rien. Mais une fois arrivé et la porte fermée, il m'accabla d'injures, me disant que j'étais une imbécile de m'être laissé prendre et ma mère et lui me rouèrent de coups. J'étais si malheureuse que je songeais au suicide. « Pauvre petite, » dit l'inspecteur. « Mais vous auriez dû dire la vérité au chef de bureau qui vous avait interrogé, lui faire connaître la conduite de votre famille, son indignité. Ça n'aurait servi à rien, » répondit Marthe en secouant la tête. « Mon père s'était présenté comme un brave ouvrier. » Il avait pris une attitude si digne qu'on n'aurait pas cru, et que plein de confiance en lui, le chef n'aurait vu dans mes protestations qu'une manœuvre infâme d'une fille vicieuse. J'aurais bien voulu m'enfuir, chercher du travail, vivre loin des deux monstres qui m'avaient donné le jour et qui abusaient aussi cruellement de leur autorité sur moi, mais sans papier, sans référence, sans même pouvoir indiquer un domicile à ceux à qui je demanderais un emploi, que pouvais-je faire? Du reste, mon père me le disait. « Si tu essayais de m'échapper, je te retrouverai toujours. Tu n'es pas majeur. J'ai sur toi toute autorité. Tu as pu le voir là-bas, avec ces messieurs de la préfecture. Donc, pas de rébellion, pas de malice. Cela te coûterait cher. » Que faire? Me résigner. Et pourtant, à tout prix, j'avais résolu de me soustraire à cette existence épouvantable. À un moment, je crus en avoir trouvé le moyen. Vous allez voir que je n'ai quitté une honte que pour en avoir une pire.